la nuit profonde et souveraine, la lune te regarde et sourit. Tu fermes les yeux car tu désires retourner dans ce rêve étrange et comprendre pourquoi tes yeux clos pleurent des larmes de sang. Tes yeux clos pleurent des larmes de sang. Tes yeux clos pleurent des larmes de sang. Un labyrinthe infini abrite des enfants et des nains, des clous, des vieillards et des gueules. Tu vois leurs mains qui t'appellent, mais leur monde est si différent. Un regard, pourquoi leurs yeux clos pleurent des larmes de sang. Tes yeux clos pleurent des larmes de sang. Yeah.